Chapitre 3e. Le lendemain matin, le landau de M. de Jardane s'arrêtait devant le perron de Kildare. La marquise attendait avec Jacques de Boufflers. Elle monta en voiture, sans même laisser à M. de Guibray et à Dammartin le temps de descendre, et elle resta silencieuse, répondant à peine aux phrases polies des deux jeunes gens. « Est-ce que Geldre est déjà parti ?» demanda le vicomte. « Oui. C'est lui qui conduit le phaéton ?»« Oui. » « Qui est-ce qui est dans la charrette ?»« Dans la charrette ? Ah, je ne sais pas trop. » Jacques se mit à rire en regardant sa cousine et répondit « Il y a dans la charrette, mademoiselle de Chavannes et son frère. » Geldre a emmené madame de Chavannes et Fauché dans le phaéton. Le jeune homme savait qu'à cette heure, la marquise, qui ordinairement ne se levait qu'à midi, avait encore les idées confuses et les yeux pleins de sommeil. L'obligation de parler était pour elle un supplice. Il voyait que tous les jours au déjeuner, elle mangeait à peine, ne parlait pas du tout et ne sortait de cet engourdissement que 2 ou 3 heures après son réveil. Guibray, lui, peu au courant des habitudes de madame de Geldre, s'étonnait de la trouver sérieuse et préoccupée. Assis en face d'elle, il la regardait attentivement, se demandant ce qu'avait cette rieuse. Est-ce qu'elle était souffrante? Est-ce qu'elle s'ennuyait? Pourquoi donc cet air attristé? La marquise ne se doutait pas de la curiosité qu'elle provoquait. Appuyée dans le coin de la voiture, elle regardait filer les haies et les peupliers qui bordent la route, et bercée par le mouvement très doux des ressorts, elle eût voulu pouvoir se rendormir et rattraper les 2 heures de sommeil qu'elle regrettait si fort. Et le vicomte continuait à l'observer en essayant tous les sujets de conversation, et Jacques continuait à rire et à répondre aux questions faites à sa cousine. Quant à Dammartin, assis au fond, à côté de la marquise, il examinait silencieusement Jacques de Boufflers, pour lequel il a une admiration sans borne. Un coude de la route, il se pencha et montra une voiture qu'on apercevait à 200 mètres, et il dit « Ah, les Montreux sont devant nous !»« Comment ?» s'écrie madame de Geldre. « Est-ce qu'ils déjeunent avec nous, les Montreux ?»« Mais oui, » répondit Jacques, « on a arrangé cela hier au soir. »« Mon Dieu !» fit la marquise. Avec découragement. « Ils sont donc inévitables. Je ne l'ai. » Mais apercevant en face d'elle M. de Guibray, et se souvenant des allusions de la veille, elle s'arrêta en balbutiant et rougit jusqu'aux cheveux. Alors Jacques, pensant que le moment était venu de faire diversion, entonna bruyamment une chanson du chat noir. « Il va pleuvoir, » dit tout à coup Dammartin. Jacques demanda, « Parce que je chante, peut-être ?» La marquise montra les nuages lourds qui semblaient descendre sur le landau. « Il va y avoir un affreux orage. On ne pourra pas déjeuner dehors. » Et l'orage arriva, épouvantable. Et il fallut s'arrêter dans une auberge du bourg. « Partons, » proposait la petite de Montreux de très mauvaise humeur, regrettant de friper dans cette misérable salle incolore et empoussiérée la jolie toilette si habilement combinée en vue du décor vert de la forêt. Mais Montreux protesta. Partir sous ces torrents de grêle, vous n'y pensez pas, ma chère. Si, pour commencer, nous déjeunions, demandait Fauché, il est 12h30. Rien n'est plus malsain que de manger à des heures irrégulières. Lançant un regard de côté sur les Montreux, auxquels il ne pardonnait pas le retard du dîner de la veille, il continua. Et pour une raison ou pour une autre, nous ne faisons que cela. Déjeunons, mon bon oncle, moi j'ai une faim énorme, disait Yvonne, que l'orage mettait en gaieté. Comme tous les êtres jeunes et bien portants, elle adorait l'imprévu, et ce déjeuner dans une auberge borgne, telle qu'elle n'en avait jamais vue, au lieu du traditionnel déjeuner sur l'herbe, qu'elle connaissait si bien, la réjouissait fort. Quant à la marquise, déjeuner ici ou là, rien ne lui était plus égal. Elle voulait seulement que ses invités fussent le moins mal possible, et elle commença tout de suite à faire déballer les paniers de provisions. « Ah !» dit madame de Chavannes, la regardant aller et venir dans la salle. « Voilà Liane qui se réveille. » Tous aidèrent à mettre le couvert. Jacques, curieux et touche à tout, ouvrait les boîtes et les paniers, fouillant tout et goûtant ce qui lui plaisait. Enfin, il s'empara d'un pâté de foie gras et, armé d'une cuillère, s'apprêta à l'entamer. Monsieur de Geldre voulut l'en empêcher. Alors il se sauva en courant tout autour de la grande pièce et finit par grimper comme un singe, sans lâcher son pâté, sur le haut d'un immense bahut breton où il s'assit, les jambes pendantes, défiant toute attaque. « Vous savez, dit la marquise, Il est capable de manger le pâté à lui tout seul. « Oh !» fit Dammartin, incrédule. « Parfaitement !» cria Jacques, qui serrait son pâté dans ses bras. « Je parie 5 louis que je le mange !» Et voyant que Dammartin le regardait avec admiration, il reprit « Avec la croûte !»« Non !» supplia Fouché, qui courut au pied du bahut. « Non ! J'aime mieux vous donner 5 louis pour que vous m'en laissiez !» Guibray, beaucoup plus poli et courtois que les autres, beaucoup moins lié aussi avec Madame de Gueldre, l'aidait consciencieusement, faisant avec elle le ménage. Forcément, une sorte d'intimité naissait, et pour la première fois, la marquise se disait que son voisin était un compagnon gentil, bien élevé et d'aimable humeur. Après le déjeuner, il fallut attendre encore. La pluie tombait de plus en plus fort, mais les marins affirmaient que vers 5 heures, il y aurait une embellie. On resta donc dans la grande pièce sale, qui sentait le graillon. Bientôt, la gardie, qu'on devait rejoindre à la tour, située tout près de chez lui, arriva crotté comme un barbet. Ne trouvant personne en ruine, il avait supposé qu'on était resté à l'auberge. À 5 heures, l'embellie promise ne s'annonçait pas encore, et le père Gégaud, un vieux pêcheur appelé en consultation, dit que le grain ne passerait qu'à l'heure de la pleine mer. Mais cette fois, il en répondait. Il s'engageait, si ça n'arrivait pas comme il le disait, à reconduire ces dames et ces messieurs dans sa barque par la route. L'heure de la pleine mer, c'était 9h30. Allait-on passer 5 heures encore dans cette auberge et y dîner? Madame de Montreux déclara immédiatement qu'elle partait et elle donna à son mari l'ordre de faire atteler sur un ton qui n'admettait pas de réplique. « Moi, dit le marquis en s'adressant à Madame de Chavannes, je vous offrirai bien de partir aussi, mais il y a un des chevaux qui a une peur de tous les diables des éclairs. Et comme vous n'êtes pas très brave en voiture, » Madame de Chavannes se cramponna à sa chaise. « Partir, par ce temps-là, ah grand Dieu! Votre cheval a beau avoir peur des éclairs, je vous promets bien qu'il n'en a pas aussi peur que moi. Et je ne sais pas si vous vous en apercevez, mais depuis un instant, l'orage, qui avait diminué, reprend plus fort. Si ça continue, je coucherai ici, moi. « Oh, maman !» s'écria Yvonne, transportée. « Couchons ici, ce sera si amusant. » Madame de Gueldre fit la grimace. L'idée de coucher dans cette auberge, l'idée surtout de se lever le lendemain de bonne heure pour retourner à Kildare, ne lui souriait pas du tout. Et d'autre part, si Madame de Chavannes restait, elle ne pouvait pas s'en aller. Monsieur de Guibray ne parlait d'ailleurs pas de départ. Il ne se souciait probablement pas de faire 7 lieues, sous cette pluie battante, aux chevaux de l'oncle Jardane. Fauché, plus pratique que les autres, s'était, dès qu'il avait vu qu'on ne partait qu'après le dîner, faufilé à la cuisine. Il revint, l'oreille basse. « Mes enfants, c'est très joli tout ça. Mais vous êtes-vous demandé s'il y avait à manger ici ?» La marquise répondit. « Il y a toujours moyen de s'arranger. Vous croyez ? Ce matin, nous avions apporté de quoi déjeuner, alors ça a été tout seul. » Nous avons mangé ce déjeuner sur une table qui nous a paru plus sale que l'herbe, qui eût été, en réalité, davantage. Mais enfin, nous l'avons mangé, et c'est l'important, tandis que ce soir... « Eh !» dit M. de Gueldre agacé, « tu fais toujours des embarras de tout. On trouvera bien ici de quoi dîner, sapristi. Ah, vraiment ? Eh bien, vas-y donc voir. On nous offre 2 poulets, et rien avec. Pas de viande ?» Fauché haussa les épaules. « De la viande, on dirait ma parole que tu ne connais pas la Bretagne, de la viande, cherche !»« 2 poulets pour 10, c'est court, » murmura le marquis. « Mais nous aurons des œufs autant que nous en voudrons. »« Et des huîtres aussi, » dit Madame de Gueldre. Fauché poussa des cris de paon. « Des huîtres, au mois d'août? C'est donc que vous voulez nous faire mourir. »« Mais j'en mange tout le temps, moi, des huîtres. »« Parce que vous avez un estomac d'autruche, vous, » Yvonne demanda gentiment. « Voulez-vous que je vous fasse des crêpes de blé noir, dites, notre oncle ? Je les fais très bien, vous verrez. » La mine rébarbative de l'oncle s'adoucit. « Tiens, il y a peut-être là une idée. Des crêpes de blé noir, bien fines, qu'on roulera avec beaucoup de confiture et un peu de sucre. Mais il faut qu'elles soient fines. Fines, vos crêpes, une vraie dentelle. » À présent, le tout est de savoir si dans cet établissement, il y a de la confiture sans mélasse et du sucre sans farine. Et de nouveau, il s'engouffra dans la cuisine, au désespoir de la maîtresse de l'auberge, qui trouvait ce grand monsieur difficile et encombrant. Comme le matin, la marquise s'occupa du couvert. Elle avait fait la conquête de la petite bonne, qui consentit à aller, malgré la pluie, cueillir des roses dans le jardin. Madame de Gueldre arrangea une corbeille de table, mais elle ne put, malgré ses supplications, obtenir d'autre éclairage que des lampes à pétrole qui infectaient et échauffaient encore l'air épais de la salle. Tandis que, désappointée, elle regardait fumer les lampes en tordant machinalement son mouchoir dans sa main, d'un mouvement qui lui était familier, M. de Guivray dit tout à coup, en humant l'air, « Ah, ça sent l'œillet ici, vous ne trouvez pas ?» Madame de Gueldre répondit en riant, « Ah non, par exemple, je ne trouve pas, mais si. » Et apercevant le mouchoir qu'elle continuait à rouler entre ses doigts, « Mais c'est votre mouchoir ?» Elle le lui tendit roulé en boule, il l'ouvrit et plongea son nez. « Parbleu, certainement, c'est lui !» Il fit un mouvement pour le rendre à la marquise, puis, hésitant, il demanda, « Est-ce que vous avez un autre mouchoir ?»« Oui, j'en ai un dans la poche de mon grand pardessus de voiture. Pourquoi ?»« Parce que je voudrais garder celui-ci. » Et comme elle le regardait, un peu surprise, « Est-ce que ça vous contrarie que je vous demande cela, marquise ?»« Pas le moins du monde. » Elle allait dire, « Mais ça m'étonne. » Elle s'arrêta. Il reprit en plongeant de nouveau son visage dans le petit chiffon de dentelle. « Ce sera un souvenir de cette partie. Manqué. » Le vicomte répondit, « Moi, je ne la trouve pas manquée. J'ai passé une excellente journée. » Entre ces murs sales et par ce lugubre temps, « Oui, je me suis beaucoup amusé. » Madame de Gueldre répondit gaiement, « Eh bien là, vrai, vous n'êtes pas difficile, amusez-vous. » Fauché entrait, portant lui-même le potage. « Allons vite, en l'avalant bien chaud, il sera peut-être mangeable. » Le marquis s'occupait de placer les dîneurs. Il cria, « Eh, sac à papier, asseyez-vous n'importe comment. Nous n'allons pas la faire à l'étiquette ici, Fauché, n'est-ce pas ?» Guivray offrit une chaise à Madame de Gueldre et demanda, « Si vous le permettez, marquise, je serai votre voisin. » Madame de Chavannes, servie la première, venait de goûter le potage. Elle poussa un gémissement. « Qu'est-ce qu'il y a ?» demanda Fauché, qui resta tenant la louche en l'air au-dessus de l'assiette qu'il servait. « Il y a, mon pauvre oncle, que même en le mangeant très chaud, il est invalable, » dit Yvonne, en regardant avec horreur le potage qu'elle venait aussi de goûter. « Le fait est qu'il est épouvantable, » murmura Dammartin navré. « Horrible !» hurla Jacques. À l'autre bout de la table, on prenait plus gaiement les choses. Madame de Gueldre était si peu gourmande que quand elle avait mangé d'un plat, elle était le plus souvent incapable de dire le nom de ce plat. Elle avait faim et s'apercevait à peine que le potage était atroce. Lagardy, après avoir versé la poivrière tout entière dans son assiette, déclarait que ce n'était pas si mauvais que ça. Paul de Chavannes dévorait avec son appétit de 20 ans, et le vicomte bavardait avec sa voisine en mangeant distraitement. « Voyez-vous, » dit tout à coup le marquis, « le père Gégaud avait raison, il va faire un temps superbe. » « Oui, mais quel bout !» observa mélancoliquement Lagardy, qui, pour entrer, avait à faire une lieue en forêt à travers champs. M. de Guivray se récria, « Tu ne vas pas rentrer à pied à la roche ce soir, nous allons t'emmener. Le landau est immense, et si la marquise veut bien que nous nous serrions un peu... »« Non, ma mère serait inquiète, je n'ai même pas dit que je ne rentrerai pas dîner. » »« Envoie un mot par un gamin, tu coucheras aux zones, et demain, après le déjeuner, on te reconduira. » « Quand vous aurez fini, nous partirons, » proposa M. de Gueldre. « Il est 9h30 et il faut compter au moins 2 heures de route. Les chemins vont être défoncés. Il y a très longtemps que nous sommes à table, vous savez. » « On mange toujours trop, » déclara Fauché en piquant dans le plat une 6e crêpe, sur laquelle il étendit une épaisse couche de gelée de groseille. « On mange toujours trop. Les médecins vous diront que la moitié des maladies viennent de là. » La marquise se leva pour prendre son manteau et son chapeau accroché dans un coin de la salle. Guivray lui en épargna la peine et l'aida à se vêtir. Il le fit lestement, glissant le collet du paletot sous les cheveux sans même les frôler et croisant adroitement derrière le chapeau les pans du grand voile de gaze. Ce fut le landau qui sortit le premier de la cour de ferme où on avait, tant bien que mal, abrité les voitures. Le vicomte voulut, comme c'était indiqué, faire monter Madame de Gueldre dans la première, mais elle s'y refusa en disant « Non, c'est moi qui monterai la dernière. Je suis la plus petite, et puis je suis habituée à ça. » Guivray affirma qu'il ne laisserait jamais la marquise revenir ainsi, mais M. de Gueldre, qui assistait au chargement, intervint. vous avez tort, laissez-la donc faire. » Et Jacques de Boufflers appuya le dire de son cousin. « Mais certainement, je n'aurais pas l'idée de faire des cérémonies pour ça, moi. Liane est très bien là où un de nous serait très mal et très gênant. C'est une affaire de longueur de jambes. » Monsieur de Guibray céda, et il reprit sa place sur la banquette du devant, à côté de Jacques, tandis que Madame de Gueldre s'asseyait au fond entre Lagardie et Dammartin. On avait fermé le landau, mais par les glaces baissées un air humide entrait, enveloppant tout d'une buée chaude. La marquise, assise au bord de la banquette pour tenir moins de place, se trouvait absolument entre les deux portières. Ayant posé sur ses genoux sa main dégantée, elle s'écria, très surprise, « Oh, ma robe est mouillée tout comme s'il pleuvait !»« Attendez, » dit Jacques, « nous allons vous garantir de cette humidité. » Et il déploya un grand plaid moutonneux qu'il emportait toujours avec lui en voiture. « On est bien mieux comme ça, » fit Dammartin, qui étendit le plaid sur tout le monde. La nuit était très noire, la chaleur très lourde. La conversation, animée au départ, devint bientôt pénible et traînante. Puis, peu à peu, cessa tout à fait. Jacques s'endormit le premier, et Lagardie et Dammartin ne tardèrent point à faire comme lui. Monsieur de Gueldre avait bien prévu que les chemins seraient défoncés. Les chevaux, presque toujours au pas, avançaient difficilement, et Liane pensa « Nous en avons pour 3 heures au lieu de 2 ». Elle était ravie que tous ses compagnons se fussent endormis. Au moins, elle ne serait pas obligée de parler. Vaguement éclairée par les lanternes, elle distinguait en face d'elle les silhouettes de Jacques et de Monsieur de Guibray. À sa droite et à sa gauche, elle devinait les formes tassées de Dammartin et de Lagardie. Et elle se mit à rire en pensant la figure que tous les trois, elle ne comptait pas Jacques, qui n'avait pas à se gêner, frais en s'apercevant qu'ils avaient dormi. Quelle stupide promenade! À 7 heures, au lieu d'être là, cahotée entre ces 4 hommes qui dormaient, elle serait à Kildar à faire de la musique avec Yvonne et Paul. Or, s'il était déjà 11 heures, elle s'installerait dans la grande bergère de sa chambre, à côté de sa lampe voilée de dentelle, et elle resterait là, bien tranquille, à lire, à écrire ou à rêver. Une bête de journée, tout de même, passée dans cette salle sans air. Au milieu, les cigares et les pipes, d'une odeur horrible, mélange de graisse brûlée et de moisie. Et cependant, elle ne s'était pas ennuyée un instant, et sans qu'elle pût s'expliquer pourquoi, elle ne regrettait pas cette journée vide et ridicule. Un chaos plus violent que les autres la lança brusquement en avant sur M. de Guibray. En se rasseyant, elle sentit une de ses jambes retenue par une imperceptible pression, si imperceptible même que le plus faible mouvement l'eût fait cesser. Et ce mouvement, elle ne le fit pas, immobilisée en quelque sorte par une sensation inconnue qui lui semblait infiniment douce. Pourtant, elle n'en pouvait douter, c'était M. de Guibray qui se permettait de la toucher, qui osait faire cette chose inouïe, considérée par elle, si peu prude cependant, comme une véritable insulte. Souvent, depuis l'histoire du retour de chasse en Breck, rappelée par M. de Mons, d'autres histoires semblables ou analogues étaient arrivées à la marquise. Sa liberté d'allure devait paraître excessive à bien des gens, et des niais ou des provinciaux pouvaient s'y tromper. Mais toujours, Madame de Gueldre s'était indignée qu'on se permît avec elle ce qu'elle appelait des façons de goujat. Toujours aussi, elle avait exprimé son indignation avec cet emportement brutal qui lui faisait tant d'ennemis. Et aujourd'hui, loin de s'indigner, elle restait immobile, émue, n'osant bouger, de crainte de faire cesser le doux frôlement qui l'énervait comme une caresse. Et tandis qu'elle se reprochait cette faiblesse dont elle avait honte, affreusement honte, elle vit luire les yeux de Guibray qui la regardaient. Ces yeux qu'elle avait bien remarqués dans la journée, pour pouvoir dire cette fois de quelle couleur ils étaient, et qu'elle avait trouvé assez beaux et très insignifiants, lui parurent dans l'ombre très bons, et si profondément tendres qu'elle en fut toute remuée. À ce moment, elle sentit une main qui, sous le plaid, cherchait sa main, et s'en emparant, la serrait à la briser. Elle eût voulu crier, descendre, lancer au jeune homme une injure, et elle restait, au contraire, soumise et reconnaissante, répondant malgré elle et de toutes ses forces à l'étreinte chaude qui la remplissait d'un bonheur intense et étonné. « Est-ce que tu dors, Jean ?» demanda tout à coup d'une voix éraillée Dammartin qui s'éveillait. Effaré, La marquise voulut retirer sa main, mais Guibray la retint d'une pression douce et câline qui ressemblait à une prière, tandis qu'il répondait « Non, je ne dors pas, c'est toi qui as dormi. » Dammartin riposta par l'inévitable phrase des dormeurs « Moi, jamais de la vie. La preuve, c'est que j'ai entendu tout ce que vous avez dit. » Madame de Gueldre essayait de reprendre possession d'elle-même. Elle se scrutait avec dégoût et concluait « Non, c'est impossible. Moi aussi j'ai dormi et rêvé. » Mais lorsqu'en arrivant à Kildare, elle posa sa main dans la main que le vicomte lui tendait pour l'aider à descendre, lorsqu'elle sentit, au contact de cette main tiède et caressante, le trouble qu'elle avait déjà éprouvé tout à l'heure, elle se dit craintive pour la première fois de sa vie, en présence d'un danger dont le mystère la bouleversait toute. « Mon Dieu, je n'avais pas rêvé, c'est vrai, c'est bien vrai. »